Light. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre émission de prog. Rendez-vous hebdomadaire ce soir avec Marc, qu'on n'entendra peut-être pas. Il est en train d'installer du filage, on a de la visite ce soir. Et évidemment, Bruno Squiddy Diddley, des tables tournantes et des lecteurs laser. Salut Squiddy. Il vous fait dire bonsoir. On commence donc ce soir, on a annoncé sur Facebook, on a deux invités, Shatters et Unreal City. Les Italiens qui sont tout juste à côté de nous autres aussi, ils sont en train de s'installer tranquillement. On va avoir une petite prestation acoustique ce soir. Enfin, on va toucher du bois parce que j'espère que ça va fonctionner. On est dans l'équipement là présentement. Bon, on commence donc avec vous ce soir. Bonsoir, Martin. Bonsoir. François. François. Ben, il faut dire qu'on ça fait à peine 30 secondes qu'on se voit, mais... Moi, c'est ça. Les présentations étaient brèves. Donc, demain soir, vous lancez votre second album à l'Anti, oui. Antibar. Oui, deuxième album de Shatters, Static Dreams. On est bien contents et on a super hâte de vous le faire écouter. Quand on fait un premier album, c'est souvent le résultat là, de plusieurs années. Puis le deuxième, il arrive comme pas mal plus vite. C'est carrément ça qui est arrivé. Puis en plus, le premier, c'était beaucoup de pièces, comme tu dis, qu'on avait composées depuis un certain temps, qui avaient une sonorité, mais on avait comme... on cherchait un peu encore, là. Tandis que le deuxième, je pense qu'on a mis le doigt dessus, là, sur comment on voulait sonner, puis et tout ça. Là. Vous avez mis le doigt sur... sur la sonorité qu'on cherchait. OK. Ouais. Pas le style musical aussi, j'imagine? Le style musical, oui, c'est peaufiné aussi, ouais. Également. Là. On a le meilleur... je pense qu'on connaît mieux notre direction musicale. Là, le line-up aussi s'est stabilisé. C'est ça. Ouais, ben, au cours des trois dernières années. Ça, pour un groupe, ben, ouais, c'est ça. Ça prend ça. Ça prend un line-up solide, puis là, ben, là je pense que là, maintenant, on comprend la direction qu'on veut prendre. Puis vous fonctionnez un peu, là, pour la composition, est-ce que c'est tous les membres ou... C'est... Je veux pas partir de guerre interne. Ben non, mais ça dépend. Il y a des pièces, ça a été peut-être, on a quelqu'un a amené un riff, puis on travaillait là-dessus, puis on développait. Tandis qu'il y a d'autres pièces, quelqu'un d'autre qui a amené une idée, puis on travaillait là-dessus. C'était pas, ça a été plus un travail de band, celui-là, que le précédent, où c'était beaucoup plus moi, vu que c'était mon projet à l'époque, okay. Qui avait composé là, principalement les chansons. Donc, on peut dire que c'est plus maintenant comme un disque de groupe. Ah oh, oui, tout bon. À fait, tout à fait. Puis la question plate, et y a-t-il une étiquette à mettre sur votre musique là, qui décrirait, tu sais, comme... passe-partout un peu, là, oh, qui pourrait bon, aider ouais. là, les gens à cerner. C'est sûr qu'on va l'écouter, ça va être encore plus facile si on l'écoute. Ouais, c'est ça, c'est dur à étiqueter. Nous autres, le terme sur lequel on s'est arrêté, c'est « heavy post-prog ». Ouais. Dans le sens, on n'est pas totalement métal, on pourrait dire, là, fait que c'est pour ça qu'on puis, a mis le... Post pour post-rock? Ouais, post-progressif aussi, là, je pense qu'on essaie de prendre une... On a des sons quand même assez vintage, comme le B3 qui revient sur l'album, mais on essaie de prendre une approche aussi assez moderne. Ah, du B3, ben oui. Du post-progressif. Ben, je pense, écoutez, on va l'écouter. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Je pense qu'on va y aller avec ça. Donc, Bruno, tu nous enchaînes ça, Camerio. Thank you. De retour, c'est toujours Terrain Incognita. Là, je pensais avoir Marc avec moi, mais il est trop chicken. De retour avec Shatters. On va continuer à parler de votre nouveau et second album. Mm-hmm. Est-ce qu'on parle un peu du style musical? Je pense que les gens sont peut-être un peu plus éclairés maintenant. Ouais, ben là, c'est ça. C'est ça. Ben j'espère, enfin, ouais. Parce que là, s'ils n'ont pas écouté, on a un problème. Ben, c'est ça. Musicalement parlant, on est allé, comme le disait tantôt François, on essaie de chercher des sonorités un peu plus vintage. Au niveau moi, de moi, j'adore, là. J'adore. Ouais, ouais. Mais vintage, ça veut dire, en tout cas. C'est, on a mis plus en avant-plan les guitares et tout ça. Les sons sont très organiques, là, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. B3. On voulait pas du Rhodes, on voulait aller chercher des vieilles sonorités. Là. Ils sonnent même, à la limite, il y a certaines tunes, je pense qu'il y a un petit côté psychédélique là, au travers ça. Là. Ah ben là, tu me fais plaisir. Oui, oui, oui. Moi, j'adore le psychédélique. Oui, ben c'est ça. On a pas mal été fouillé là-dedans. Là. Je te dirais même la dernière pièce de l'album, Static Dreams. Même, il y a des sonorités, je sais pas, tu sais, on s'est ramassé avec des sons, des fois, ça peut faire penser quasiment à du Muse, mais okay. En gardant notre sonorité à nous autres, mais tu sais, peut-être, il y en a qui pourraient dire qu'on a des influences Muse, mais on a des influences De toute façon, on peut pas créer dans les airs, là. Ça prend comme une base, de toute façon. Non, c'est ça, tu sais, on est influencé par la musique qu'on écoute, nécessairement, là, fait que... Puis même celle qu'on entend, mais que... On n'écoute pas nécessairement. Exactement. Oh, oui, tout à fait. C'est. Puis là, moi, écoute, j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, là, que vous avez comme quelques pistes à développer là, pour le prochain. Ouais. Ben, en tout cas, je pense que vous en êtes rendu compte. Oui, oui, oui. Puis c'est drôle parce qu'on a déjà du matériel là, de près. Là. On pourrait rentrer quasiment en studio demain matin. Là. Faites-le. Non. On va laisser vivre un peu celui-là. Non, là. Non, je fais des farces. Mais... Je sais que c'est parce que c'est un long processus. Il faut que ça mûrisse aussi. Là. Puis d'ailleurs, cet album-là, quand on a composé cet album-là, on avait quand même plusieurs chansons. Puis on a vraiment fait des choix en se disant on va faire de quoi d'uniforme. Parce que sinon, il aurait été un peu trop. On a beaucoup de chansons assez mollo et tout ça, plus acoustique et tout ça. Fait que là, on s'est dit non, lui, on le veut plus. Il est fait pour être écouté fort. Okay. J'ai fait le test là. Puis en même temps, c'est ça comme je disais tantôt. Je suis pas sûr qu'on pourrait mettre ça direct dans la catégorie métal, par exemple. Non plus. C'est plus hard rock, stoner rock. Progressif, mais avec une touche pas mal plus lourde, pesante. C'est de la musique à mes oreilles. Oui, ben tant mieux. C'est ça. C'est ce qui est important, c'est de la musique. Voilà. Non, ben, parlez-nous un peu de la deuxième pièce qu'on va écouter. L'autre pièce, c'est Fast Forward. C'est un peu une pièce qui raconte un peu, qui parle un peu de l'espèce de frénésie, la rapidité, l'espèce de monde. La course vers le succès. La course vers le succès. Ouais. La reconnaissance aussi. Qui est beaucoup, La recherche tout le temps de la reconnaissance et tout ça. Donc, puis c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui s'y rend pas finalement. Là. C'est un peu triste, mais ça arrive. Pourquoi un peu génération Facebook? L'instantanéité, tout ça. Puis on essaie d'englober ça dans ce texte-là. Puis la pièce, ça va dans ce sens-là. Musicalement parlant, il y a un bon bout musical assez... groovy, qu'on pourrait penser qu'il est en train de courir assez rapidement. Okay. Merci. Donc, c'est ce qu'on va écouter à l'instant. Yes. On y va. Feels like I forgot something. As the clock keeps spinning. But I cannot let my focus slip. Running faster, trying not to trip. Feel the weight of their stare. The pressure never feels fair. We learn always to aim higher. Even though there's nothing out there. Confusion. Concentrate on my ambition. Brush aside all of my fears and make my doubts disappear. We'll be right back. C-K-R-L. Je puis être musique, bruit, silence. .qc.ca. Communication. Culture. Le 21 octobre à l'Impérial Bell, entrez dans l'univers de Philippe B. Une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit. Pilier de la musique d'auteur, Philippe B. propose des chansons riches et uniques. Un mélange de folk aux sonorités ambiantes intrigantes et une soirée mémorable. Pourquoi tu fermes les yeux? Bien en vente à impérialbell.com. Quand tu me dis que tu m'aimes. Une présentation de 3E en collaboration avec CKRL. Ça, c'est nous autres, CKRL. On arrive. Oui, c'est nous autres. C'est nous autres. Bah, on est de retour avec Shatters. Dernier micro, dernière pièce. Oui. T'as choisi quoi pour la prochaine? Là? Static Dreams, la pièce titre de l'album. Tantôt, tu me comme dis que t'aimais ça un peu psychédélique, fait que j'ai dit oh. Ah bah oui, oui. On va te faire plaisir. Ah non, moi le psychédélique, là, c'est ça a été la première musique que j'ai comme découvert, tu sais, dans les années 60. Ça fait que ben, je veux dire, si tu fais exception là, de genre les Beatles, les Rolling Stones, tout ça, là, mais le premier mouvement de musique bizarroïde là, que j'ai écouté, c'était ça. C'était avant le prog, évidemment. Oh, oui, c'est ça. Puis c'était ça qui nous sortait vraiment, tu sais, du contexte, le pop, puis des 3 minutes 12, et tu sais, c'était ça. Puis c'était un monde complètement nouveau et c'est jeu de mots niaiseux, hallucinant. C'était une exploration totale. Ouais, là, exact. Il y avait la technologie aussi leur permettait d'explorer des nouvelles sonorités. Oui, exact. C'était fou. Là. C'était une belle période. Ouais. Je m'ennuie pas, là, mais c'était une belle période de la musique. Sans être une toune strictement psychédélique, est fortement inspiré par ça. Là. Quand on l'a travaillé puis que on a développé les idées, c'était vers cette optique-là là, qu'on allait. Là. Fait que... Avant qu'on se quitte, oui. À quoi on peut s'attendre demain soir? Demain soir, ça va être une grosse soirée qui va... On a sélectionné nos chansons. On va jouer presque l'album au complet. Je dis presque parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir entendre des pièces du premier. Donc, on a sélectionné une, on a sélectionné deux. Puis, ça va être dans le piton tout le long. Il n'y a pas de petite chanson tranquille demain. OK. D'accord. Ça va partir le bal en force. Ça peut pas être plus clair. Non. Attachez votre truc, là, ça va déménager demain. Donc, rendez-vous demain pour tout le monde. Lanty, reste encore quelques places. Et puis, on y va avec la dernière pièce de Shatters de leur nouvel album. On écoute tout de suite. There's nothing left inside of me. All these strangers frozen in time, and all my thoughts are fleeing me. We'll be right back. ça, effectivement, ça rentre. Je pense que demain, ça va brasser un peu. Oui, hein, c'est, ouais. Ça a l'air vraiment excellent comme album. Marc! Est-ce que tu m'entends, Michel? Oui, okay. C'est ça. Bon. Je te vois aussi. Oui, oui. Je peux te toucher aussi. J'y suis, puis j'ai chaud. J'ai chaud. Oui, Marc, il faut dire qu'il a fait beaucoup de travail sur la technique ce soir là, pour installer nos deux musiciens de Unreal City. Absolument, de la belle visite d'Italie dans nos studios. Qu'on va avoir bientôt. Là, en prestation. En prestation, on peut dire, c'est pas unplug, mais pas loin. Mais en attendant, on va écouter un extrait de leur plus récent disque. Frammenti Notturni. Oui, c'est ça. Mais c'était... Là, je devrais pas dire que c'est Marc qui a fait ça. Là, oui, c'est moi. Mais je voulais épargner. I'm sorry about that. Yes. Are you still alive? Oh, yeah. Bon, okay. Bon, c'est qu'on va écouter un extrait du plus récent album, puis on vous revient après ça avec... Tu prononces pas, Michel, le titre de la chanson? C'est gênant devant des Italiens. Hein, allez. Attends un peu. Je vais essayer, là. Frammenti Notturni. OK, j'ai deux pouces en l'air. Parfait, merci. On y va en musique. Dietro te right did you dare decide that that boy in there was inferior and therefore could be killed? Did you think you were God, Brandon? Is that what you thought when you choked the life out of him? Is that what you thought when you served food from his grave? I don't know what you thought or what you are, but I know what you've done. You've murdered! Fede alle filosofie nelle religioni della luce eterna si nascondono sempre i demoni del buio. Corrompono le tue ideologie dentro i corpi vergini dei figli tuoi in un nido a seppellire Dio. De retour, Terrain Incognita. Et Marc est avec moi. Et moi, je suis là aussi. Et on est en Real City avec nous. Bonsoir. Hi. Hello. Hi. Vous pouvez le dire en italien. You can say in Italian if you want. Oh. Ciao. Ciao. Ciao. Juste pour vous rappeler que demain soir, en Real City va être à l'Anti-Bar. Un double lancement de disque demain avec Shatters et Unreal City. Le groupe vient nous présenter leur troisième album, Frammenti Notturni. Yes. Very good. Perfect. Et ben, ils nous ont fait le. Moi, c'est un plaisir. Enfin, et l'honneur. On est avec, ils sont avec nous en studio et puis ils vont nous présenter une petite pièce impromptue live et unplug. Et ben, je pense qu'on On peut peut-être leur parler avant. Excusez mon anglais, là, mais on va y aller en anglais parce qu'en italien, je ne suis pas... Sorry. Molto, je ne sais pas. Mais bonne. Non. Pas bonne. Non. Welcome in Quebec City. Thank you. We think you like Quebec City, yes. Especially. You know, I remember the first time that I send you a message asking if you are interested to come here in Quebec City to play at Terra Incognita. I remember those messages too. Because, you know, at the beginning, well, I really loved the album, in fact, you know, you're young, new, and, you know, it's maybe unknown a little bit, but after your first concert here, you know, at the end of the concert, the people come and ask me, who is this band? And finally, for the second concert, you have the confirmation that people like the band here. What's your feeling about that connection with Quebec City? Well, the first time we got in Quebec City was 2014, and we were really we couldn't believe that there was such an audience here, because, you know, in Europe it's very different, the approach between the audience and the band, and we were literally not used to such a warmth as such, and we were a bit shocked, I have to confess, because I said, oh, what? I'm not the Beatles. And well, you know, we really loved Quebec City, so when you asked us to come the second time, we were really happy and said, yeah, yes, we are coming, yes, and it was wonderful too. So we really wanted to present this third album from Metino Tourney here, and we thank you for the opportunity to play here again, and I think it's one of the best places we've ever played in, so we are really happy. Pour résumer le tout, ils adorent la ville et puis c'est probablement leur meilleur public. Ils aiment beaucoup le public de Québec. Et c'est pour ça qu'ils voulaient venir présenter leur troisième album ici à Québec. Et là, je pense que je vais laisser le temps à Francesca de s'installer. On va y aller avec une pièce. Which one you choose for the unplug? Okay, from the first album, La Crudeltà di Aprile, I'm going to play the first single of the first album, which was Dove la luce più intensa, where the light is more intense. Perfect. C'est qu'on y va, on y va en musique. Donc, c'est un petit moment privilégié avec Unreal City Unplug dans les studios de CKRL Terra Incognita. Vous écoutez CKRL 89.1. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. De retour, et on a... C'était une superbe prestation. Hein, ben oui, d'Android City. Wow. Et puis... Studio, ouais, je vais arrêter de parler, Marc. On est encore, évidemment, avec eux, et on a droit à une deuxième prestation acoustique, donc on y va encore avec Unreal City. Est-ce que je... would you like to present the second song? Oh, yes. It is the last song on the album, Frammenti Notturni, and this is called Arrivi all'Aurora. Please. Thank you. C'était Unreal City Unplugged et je vous ai, évidemment, je vous rappelle que demain ils sont à Lanty pour le lancement de leur troisième disque Frementi Nocturni. Et puis ben, il reste encore quelques places, vous avez qu'à communiquer avec Terra Incognita d'une façon ou d'une autre, là, Terra Incognita à commercial@hotmail.com ou le Terra Incognita ici à CKRL, à l'adresse de CKRL. Et on va vous aviser, c'est la seule façon d'avoir des places pour demain. Sur ça, nous autres, on va continuer avec un extrait de l'album de leur plus récent, que je ne nommerai pas parce que je l'ai nommé tellement de fois. Et puis, ben, on va... Oui. I really love the way you say Frammenti Notturni. Ah, ben. Say it again. Frammenti Notturni? Yeah. OK. Amazing. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il rigole, mais bon... You know, I have the strong feeling that you laugh. It's not so good. No. Yeah, it's very nice pronunciation from me. Yes. I have an accent from Brooklyn. Oh, yeah. Yes, I have one from London. Merci beaucoup encore. Et puis, ben, ils vont être dans les studios. On ne sait pas ce qui va se passer, mais là, on va continuer avec leur album. Negazione.

CKRL 89.1. Québec. Ne jetez pas vos vieux meubles, faites-les rembourrer et recouvrir. Rembourrage Henri Bourassa vous offre un vaste choix de tissus, mousses et cuivres. Pour votre mobilier de salon, de cuisine, vos meubles antiques ou modernes, vos sièges d'auto ou moto. Des prix raisonnables, un service rapide, une estimation remboursable sur commande. Rembourrage Henri Bourassa. La qualité supérieure du fabricant depuis 1970. 88 529 35 85. Hey, de retour à Terra Incognita avec Bruno, Michel, Marc, Unreal City, Shatters. Eh oui, tout le monde. Et puis il y a du monde dans le studio, puis il fait chaud. Puis il fait chaud, oui. Ah, mais on a eu toute une belle prestation. Mais on ne se plaindra pas de la chaleur. Non. Non, c'était vraiment. C'était la bonne franquette. Ouais, mais très bon. Très puis bon là, on vient d'entendre Unreal City de leur plus récent album. Là, Framenti Notturni, oui. Et voilà. On l'a pas dit. Je l'ai beaucoup écouté cette semaine, oui, d'ailleurs. Je l'ai écouté en boucle plusieurs fois. J'ai écouté aussi, il y a eu tellement de bons disques de ce temps-ci. D'ailleurs, Gentle Knife, c'en est un. C'est le prochain qu'on écoute. Là, on va faire un petit tour du côté de la Norvège. Oui, oui. Et puis, moi, j'adore ce groupe-là, leur second album. Là. Qui est vraiment bon. Le groupe, ben, c'est Gentle Knife, tu l'as dit. Et puis, l'album, ils sont c'est... un collectif, là. Ils sont 11 musiciens, là. Ouais. Avec, donc, beaucoup d'instruments, là. Ça, puis, ça, ils ont des longues pièces, puis ils ont des pièces aussi plus folk, là. C'est... Exact. Ouais, ben c'est un. Comme beaucoup de groupes scandinaves, d'ailleurs, ils vont toujours puiser un peu là, au folk. Au fond des racines, ouais, là. Ouais, puis ouais. C'est ça. C'est un album qui sonne vrai, là. Il sonne vraiment. Ça, ouais. ça je l'ai beaucoup écouté dernièrement, ça aussi. Donc, bon, on va puis une pièce qu'on n'a jamais fait jouer à l'émission. Pas là. Elle est pas mal dynamique, en plus. Oui, moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Ouais. Smutter. Je pense que. On va écouter ça de Gentle Knife. C'est notre dernière demi-heure. Le temps de vous rappeler que, évidemment, c'est Terra Incognita jusqu'à minuit. Michel, Marc, Bruno et tout le Bataclan. Il y a plein de monde dans le studio. Oui, demain, si vous voulez voir Unreal City, mais c'est à Nanty. À Nanty, à partir de 20h, il va y avoir Shatters et Unreal City. Et nous, on y va en musique, dernière demi-heure, donc avec Gentle Knife. Ah. Just a lie. the time, a time of endless summer days. Long nights of wine and untold gentle sighs. Life was sweet and you smothered all my no end, but in love, the end is always near. Time, when time ceases to matter, we'd make love to the moon, fell from the sky, but in your heart. It's gone. You try to find a place. Bon, ben c'est le temps de vous laisser, je pense, Marc. Là, je vais laisser le temps de t'asseoir quand même. Déjà rendu à la fin, c'est incroyable. Phew, être... Mais il y a de la bonne musique qui joue. Hein? Ben, qui a joué. Là, on a fini avec Nick Turner, comme je le dis souvent, le cerveau derrière Hawkwind à ses débuts. Oui, puis son nouvel album, là, ça fait déjà deux fois, Life deux extraits. Là, ça a l'air vraiment bon, encore une fois. Mais c'est drôle parce que... C'est différent de l'autre d'avant aussi, là, ça m'a semblé. Ce gars-là, il est comme sur une bonne période. Il n'arrête pas. Là. Je veux dire, c'est, un album par année. Là. Puis c'est un bon disque à chaque fois. Là. Oui, oui, oui. C'est con. Oui, oui. Quand on parle de psychédélique et de space, ben, c'est Nick Turner. Puis l'autre album aussi qui est très bon, là, qui va sortir bientôt enfin, Wobbler, on a écouté un extrait. Là, ça, c'est, ben, il est différent des autres. Hein? Oui. Ben, là, j'ai mis une pièce plus tranquille, mais il y en a qui rentrent plus au poste. Donc, c'est le temps. C'est déjà le temps. Écoutez, on vous invite de nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Terrain Incognita sur les ondes de CKRL. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. CKRL 89.1. Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Tu me dis que bientôt peut-être on va se retrouver, que bientôt peut-être tu vas revenir. Alors mon cœur s'emballe mais je garde pour moi, je me contente de sourire et de jouer avec la pierre de mon briquet. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Le gala et le premier gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Sébastien Diaz qui tiendra la barre du premier gala, alors que Louis-José Houde animera le gala pour une 12e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Pour le savoir, écoutez le premier gala et le gala de la disque les 26 et 29 octobre prochains, en collaboration avec Télé-Québec et Ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Ce message est diffusé par CKRL. Pourquoi choisir Matelas Confort? Pour le prix, bien sûr. Chez Matelas Confort, tous les produits coûtent 50% moins cher que la compétition à qualité égale. Et vous n'avez pas à attendre les ventes. Chez Matelas Confort, vous profitez toujours d'une qualité exceptionnelle à un prix inégalable depuis plus de 45 ans. Matelas Confort, juste pour le plaisir de bien dormir, avec la qualité et le prix du manufacturier. Matelas Confort! OK, vas-y. Pose-moi une question, là, n'importe laquelle, je vais être la plus honnête du monde. OK. C'est quoi ta plus grande peur? Je suis claustrophobe. Qu'est-ce que t'aimes le plus au monde? Ah, l'espace. Le cosmos. Ça me donne le vertige, mais un beau vertige. Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure. Nerd! Qu'est-ce que t'haïs le plus? Le monde trop pissou pour dire la vérité en face. Et qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je te parle, là. Ici, en Islande, niaiseux. Je suis venu mourir. Hippo. Présenté au Théâtre Premier Acte du 18 au 28 octobre. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca.